bir online konferansı evin cevabını da var filan. Bir arada. On a senti, mais malheureusement pas ici, et présentement, il a connu un très bon match en relève à Pierre-Luc Cao, qui a très bien fait. On est vraiment content de ce qu'il a fait, Guillaume Allard qui a mis un. Merci beaucoup. Bravo, ouais. Il va faire le bah. Ben, finalement, je vais être pas chanceux. Défensivement, le joueur, il est pas là non plus. Il a fait un gros jeu qui nous a permis là, un peu de reprendre le momentum dans le match. C'est lui qui a mené l'équipe en termes de plaqué. Il a très bien poursuivi au ballon tout le match. Éric Maranda. Pour les buts spéciales, comme on sait, souvent dans les matchs serrés, c'est là qu'on peut faire la différence. Je pense que le joueur qu'on a choisi, tout le monde se rappelle de son gros jeu qui nous a permis de... d'en faire un peu confiance, puis en faire un peu de dessus sur, dans le match. Moi, ce que j'ai aimé, c'est son retour. C'est un joueur de 5e année qui s'est comporté comme un joueur de 5 ans. Il montrait beaucoup de leadership. Il était un peu un coach. Je sais que Julien Julian Fioli m'a dit qu'il était sur le terrain, puis il a expliqué un coup d'affaire. Écoute, telle affaire, ça va marcher. Puis en effet, ça a bien marché. J'ai aimé sa disposition, sur lui de côté, en fait, à travers l'adversité. Il est resté avec un bon sang-froid et motivé ses troupes comme un leader de 5e année devrait faire. Évidemment, le jeu commence à rappeler le plus. Évidemment, c'est son retour de beauté de, je sais pas comment dire, mais qui était vraiment important et qui nous a fait vraiment un sérieux coup de pouce. Dwayne John. Comme on a dit, le deux semaines, les gros matchs, ça se permet. Les adversaires étaient de taille. Comme je disais, on discutait avec les entraîneurs ce matin. Je pense qu'au début de la saison, on disait que tout le monde veut battre Laval. On a une cible sur notre dos, puis tout le monde veut se mesurer Laval. Il y a beaucoup d'équipes, je pense, qui veulent nous battre. Et il y en a d'autres qui croient qu'ils peuvent. Donc, pour moi, des équipes qui on rencontre, notamment Saint-Effect, Saint Mary's, Montréal, la semaine passée, c'est toutes des équipes qui ont non seulement le vouloir, mais ils ont les capacités et la croyance de pouvoir nous battre. Je pense que c'est un grand, grand défi pour notre programme. Statistiquement, comme vous savez, c'est la meilleure offensive, la meilleure défensive au pays présentement. Le monde va dire qu'ils n'ont pas joué de grosses positions, mais à notre avis, Concordia est une très très bonne équipe de football et ils ont dominé Concordia sur pas tous les fronts, en leur disputant 14 points au premier quart. Ils sont venus très très fort pour scorer bien 28 points par riposte de Concordia. Donc c'est vraiment, on croit, une de nos très très bons défis cette année. Et c'est un défi qui arrive à un temps où on n'était pas tous nos effectifs, mais sans excuse, il faut se présenter, jouer un grand match de football pour battre, à mon avis, une des grandes équipes. Et si seulement on sort la conférence, ça va être probablement cette équipe-là qui domine présentement les Maritimes. Donc si jamais l'équipe du Québec qui sort du Québec va affronter, à mon avis, Saint Mary's. Donc pour moi, c'est vraiment un grand match pour la saison régulière, puis aussi un clin d'œil de ce qui pourrait se passer au niveau de demi-finales canadiennes. Saint Mary, c'est un grand défi. C'est une équipe qui est très très bien coachée, autant offensivement que défensivement. Je pense que c'est un groupe de joueurs vétérans, notamment sur la ligne offensive. Je pense qu'ils ont 3 joueurs de 5 ans, 2 de 4 ans, un carrière très très athlétique, des receveurs athlétiques, physiques. Donc on a un très très bon défi, un bon porteur de ballon. Je sais pas, c'est Jacques Lambala, je pense, de Calgary. C'est un bon porteur de ballon qu'on avait vu dans le passé quand il était tout jeune. Là, c'est rendu un porteur de ballon dominant. Donc on a une défensive, puis je pense qu'il joue avec peu de vue défensivement. Ils savent jouer avec beaucoup de confiance. Leur corps pro de défensif, le programme défensif, c'est sa deuxième année. Je pense qu'ils ont une meilleure compréhension de leur système défensif. Donc c'est une équipe qui s'est initiée avec beaucoup de confiance et beaucoup d'effectifs pour compétitionner pour un grand match. Donc je vais laisser la parole, si pas de questions, on en reviendra plus tard, mais je vais laisser la parole à Justin pour parler de l'ordre défensif. Merci. Donc, comme Glenn a dit, effectivement, St. Mary's c'est une excellente défensive, mais je pense que Finn Falcon en a affronté une très bonne, donc on poursuit dans la même lignée. Défensive très agressive, donc pas une défensive qui a beaucoup de faiblesses, mais c'est une défensive qui est bien équilibrée. Donc, encore une fois, il va falloir être capable de... Il n'y a aucun doute qu'on va devoir être capable de varier ce qu'on fait en attaque, de garder sur les talons, puis évidemment, il va falloir faire un meilleur travail de protéger le carrière en première demi, aucun doute. Donc, ça va être, si on veut améliorer sur la semaine passée, c'est ça la grosse différence pour mieux protéger notre carrière. Puis, on a parlé beaucoup de protection, mais aussi nos receveurs de passe doivent faire un match. Doivent avoir un bon match cette semaine au niveau de leur destination. Donc, la semaine passée, il y a eu beaucoup d'erreurs, donc on ne peut pas se permettre ça dans ce match-là. Voilà tout. Question. Okay. Moving right along. C'est parti. Qui est de l'attaque de St. Mary's, encore une fois, cette semaine, on va faire face à un carrière là, qui est capable de courir avec le ballon. Je pense que vous le savez, la semaine dernière, Marco Brouillette, okay, c'est un carrière très, très, très mobile. Mais cette semaine encore, là, je pense qu'on affronte là, un carrière qui court beaucoup. C'est le deuxième meneur, là, si vous voulez, là, en fait, de verges, là, en fait, verges au sol là, de son équipe. Il y a une moyenne d'à peu près 80 verges par match au sol. Alors, ça, c'est toujours dangereux quand ça affronte un carrière comme ça. Puis en plus de ça, en plus de courir, ben, il est capable justement de se défendre la pression, puis ensuite de ça, de lancer le ballon à ses receveurs, là, downfield. Donc, c'est un bon challenge pour nous. Au niveau de l'attaque au sol, St. Mary's, très très bon porteur de ballon. L'Umbala, il y a aussi 100, je pense que c'est autour de 120 verges de moyenne par match là, cette saison. Donc, c'est une équipe qui est capable de courir avec le ballon. Très très grosse ligne à l'attaque. Je dirais même, je la qualifierais d'énorme. Joueur de 6-6, 3-50. Je pense qu'il n'y a pas un joueur en bas de 6-3 là, de leur ligne à l'attaque. Donc, puis encore une fois, Glenn le dit, c'est un groupe de vétérans. Donc, ça devrait être un bon challenge pour nous. Puis, il va juste falloir être sound là, dans nos destinations, puis être prêt là, vraiment là, à contrer un petit peu n'importe quoi là, par rapport à St. Mary's. Et en plus de ça, c'est une équipe qu'on bat depuis 2002. Je pense que la dernière fois qu'ils ont battu, c'est ici en 2002. Selon eux, on leur a volé deux coupes vanier. Donc, c'est certain qu'ils arrivent ici là, avec... en plus de vouloir nous battre, je pense qu'ils ont quelque chose là, de plus à nous prouver. Question? Vous avez eu l'occasion de voir plusieurs de leurs matchs sur vidéo? On a vu deux matchs, les deux derniers matchs contre Saint-Estèphe et Massilia. J'ai eu l'opportunité de voir un petit peu le match de Concordia. Moi, je trouve qu'ils ont remonté beaucoup, beaucoup de sang-froid. Je pense que les Maritimes ont développé un peu un complexe d'infériorité contre le Québec. Je trouvais qu'ils sont très, très bien, se sont très, très bien remis du titre de 14 points. Ils ont vraiment gardé leur composure, leur sang-froid. Ils ont très, très bien réagi à ça. Pour moi, c'est une bonne équipe. Un carrière qui est un joueur de deuxième année qu'on a eu à Team Canada, que pour moi, contrairement, un petit peu différemment du carrière de Montréal, court pas pour courir, il court pour chercher du temps pour passer. Et ça devient une autre dimension qui est plus difficile dans la couverture, de pouvoir garder notre couverture plus longtemps. Donc c'est un très très bon défi. J'ai une équipe qui s'en vient avec beaucoup de confiance et je pense que c'est une équipe qui se prépare bien. Ce qu'on a vu sur film, pour revenir à la question, c'est que ce qu'on a vu sur film dans les deux derniers matchs peut être complètement différent. Puis on fait une route de coup en 2005 où ils avaient sorti des formations qu'on n'avait jamais vues d'eux. Et il fallait s'ajuster rapidement. Puis ils sont venus avec sans caucus, ça a essayé de nous surprendre. Et c'est noté une série ou deux avant de s'ajuster parce que je ne veux pas que. C'est dur à parler aux joueurs quand ils sont sur le terrain. Puis, mais on les gars ont bien réagi à ça. Et c'est on est content, on a une très très bonne équipe sur tous les mains. On faisait le tour de l'infirmerie, ça peut peut-être être long. L'infirmerie, c'est quoi la dernière nouvelle, bien sûr? Ben, la seule affaire de liberté, c'est les mêmes. Je voudrais qu'on peut-être, on pourrait peut-être avoir un ou deux joueurs sur la ligne défensive, peut-être. Peut-être un, peut-être deux. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je ne vous le dirai pas. Présentement, je pense que c'est la bonne. Mon ami Steve Summerer, il pratique son français juste pour vous lire. Que, je pense qu'il va, je veux pas laisser, on veut pas. On essaie d'avoir peut-être un ou deux joueurs sur la ligne défensive de retour. Benoît, c'est sûr, nous, qui n'est pas là. On va voir. Il y a eu beaucoup de problèmes, je ne sais pas si c'est difficile ou quoi que ce soit, mais il y a eu beaucoup de détection de joueurs qui ont quitté St. Mary's. Je pense qu'il y a une équipe à ses joueurs. Je pense que maintenant, ils sont redevenus l'équipe des Maritimes, certainement. Je pense que la combinaison de eux, qui ont pris de maturité, beaucoup de joueurs de 4-5 ans, et Kélia qui a gradué leurs joueurs l'année passée, je pense qu'ils sont revenus de l'équipe dominante de... Je ne dirais pas juste dans les Maritimes, parce que ce que je vois, c'est une équipe athlétique qui peut battre beaucoup d'équipes. Je dirais que s'ils joueraient dans la conférence, à mon avis, ils seraient dans le top 2 ou 3, certains. Toujours en célibataire d'habillé cette semaine? Oui. Oui. Non. Élargie photo en fin de semaine, on va se faire. Ça va être oui. Quel travail vous avez fait un peu avec lui cette année? Parce que là, je ne veux pas, il a coûté beaucoup de points, là. Ouais, on travaille avec... Écoute, les batteurs, il faut qu'ils laissent tranquilles, c'est ça, leurs affaires, puis nous, ce gars-là va avoir une grande carrière chez nous. Il faut qu'il soit... Même si sa job est un peu ingrate, il faut qu'il soit traité comme un autre coéquipier de l'équipe. Le malheur, c'est que quand un joueur manque son bloc ou prend pas un bloc en défense, ou manque un plaqué, c'est pas si grave que ça quand tu manques des boîtiers. C'est une autre histoire, mais c'est qu'encore une fois, il y avait un bon vent à Montréal, il m'a fait un 44 verts, qui est quand même pas négligeable. Il y a un botté que c'est pas nécessairement à cause de lui, c'est une échange comme tel. Donc, cette semaine, je pense qu'il faut travailler sur tous les mécanismes de la remise au pinner et au botté. Et faut pas oublier que la semaine d'avant, c'est le joueur de la semaine. Faut pas oublier ça. Puis, moi, je pense qu'il faut rester avec le nombre de blessures qu'on a, anyway, ça serait irresponsable d'habiller deux batteurs et que jouer avec cinq joueurs de la ligne défensive ou quoi que ce soit. L'important pour nous, c'est de laisser Chris seul faire ses affaires, pas lui mettre de pression. Chris, c'est un grand batteur, il va se replacer. Au niveau des matchs à la conférence, vous ne jouez pas pour le line-up, c'est 40. Si, dans le line-up, c'est 45-45. Ouais. C'est beaucoup mieux comme ça. On a fait le tour. Merci, vraiment, de vous laisser évoquer. Merci aux entraînements individuels. 11 700 billets de rendu pour samedi. Puis, les entraînements, c'est continu. Personne, évidemment. Demain, oui. Et ce soir? Le soir, on va pratiquer de 10h30 à 19h30. Okay. C'est ça. Demain midi à 13h30. Donc, c'est l'équipe de la réserve. Devrait être au courant de la journée. Demain, c'est midi à 13h30. Midi à 13h30. Moi, je vais voir. Il y a un cours de rugby à 1h30, si vous voulez. Ça va être très intéressant. 13h30 demain. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.